cet endroit, comment c'est appuyé. Des odeurs de jeûlis de thé se mêlaient d'un arôme riche, semblable à celui des épices exotiques qu'on fait revenir dans du thé. Coriandre, cumin, cannelle, condandro, eau de girofle, son étrange, pensa-t-il fermement. Il est temps d'éclaircir les choses. Soudain, Salada ferma les yeux. Quand il les ouvrit, son cou avait pris les traits de l'infirmière et qui n'hésitait à répondre. Des Philips, pourquoi voulez-vous malcher, demanda-t-elle. Si vous voulez quelque chose, vous n'avez qu'à me demander. Thank you.